Bonjour mes chers frères et sœurs, mes chers amis, je vous reviens et on continue ce chapitre 14 et rappelez-vous que le chapitre 14, ça se passe le soir du repas pascal, la veille de la mort de Jésus. Notre bon Père du ciel, bénis ces quelques paroles, aide-nous à les comprendre, aide-nous à les saisir. Aide-nous à comprendre le message que tu voulais donner à tes disciples ce soir-là. Prendre les vérités-là et les appliquer à nos vies en tant que tes enfants de Dieu. Amen. Encore une fois, on a vu hier le passage de « Je m'en vais préparer une place ». Il y a une interprétation, je dirais, acceptée en général, c'est que Jésus parle de son retour et qui va venir chercher les chrétiens et les amener avec lui dans le ciel. Et là, je vous ai suggéré une autre interprétation que je crois plus proche du contexte, c'est que Jésus parle de son départ, de retourner vers le Père, et rendu là-bas, il va envoyer le Saint-Esprit qui va permettre aux disciples de rejoindre le Christ, de rejoindre le Seigneur dans la présence de Dieu en esprit et en vérité. Donc, il ne parle pas de venir nous chercher pour nous emmener dans le ciel à la fin des temps ou à la mort de chaque disciple, mais bien et bien d'emmener les disciples dans la présence de Dieu. Et il va nous parler encore de cela aujourd'hui dans les versets que nous allons lire ensemble. Verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ouais, ce texte-là a été utilisé dans toutes sortes de thématiques. On a utilisé ça pour parler des œuvres, on a utilisé ça pour parler de la prière, on a utilisé ça pour dire qu'est-ce que ça veut dire demander au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus voulait que ses disciples troublés, ses disciples pleurnicheurs, ses disciples qui vont le renier, ses disciples qui vont l'abandonner, ses disciples qui s'interpellent, qui se posent la question, est-ce que nous suivons le bon gars? Ne les appliquez pas à des chrétiens qui ont déjà le Saint-Esprit, qui sont déjà dans la Nouvelle Alliance. C'est une promesse, c'est un encouragement donné à des gens qui, pour qu'ils rentrent avec Jésus, pour qu'ils traversent la croix avec lui dans la foi, pour qu'ils traversent la tombe avec lui par la foi, qu'ils croient en lui malgré tout ce qui va se passer dans la nuit et le lendemain. C'est comme ça qu'il faut les appliquer, je crois, parce que c'est ça le contexte. Donc au verset 7, il dit, « Si vous connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Si vous me connaissiez, je vais vous suggérer pleinement, si vous accepteriez tout ce que je vous ai dit, si vous compreniez tout ce que je vous ai dit, si vous étiez entièrement pur, comme il a parlé, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc, on dit, hop, ça veut dire quoi, cela? Si, vous me connaissez, il semble qu'il y a une contradiction, mais il n'y a pas de contradiction. Vous le connaissez, c'est moi. Et vous l'avez vu. Parce qu'en me voyant, vous le voyez. En m'entendant, vous l'entendez. Donc, il dit, vous l'avez vu et vous le connaissez parce que il est devant vous, mais vous réalisez pas encore qui je suis pleinement, et vous ne voyez pas encore qui je suis pleinement, Vous ne saisissez pas que je suis le Dieu créateur du ciel et de la terre qui était là avant le commencement du monde et qui était un avec le Père. Vous ne connaissez pas encore tout cela, mais vous l'avez entendu, je vous l'ai dit. Mais ce n'est pas tout assimilé encore. C'est pour ça que Philippe il dit, « Mais montre-nous le Père, Seigneur, c'est... on ne l'a pas vu, nous autres, là. » Il dit, « Il y a si longtemps que vous êtes avec moi et tu ne l'as pas connu, Philippe. Hein? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Je vais faire une petite parenthèse, là, une couple de phrases. Faisons attention à comment nous allons interpréter ce texte-là, ici, le verset 7, 8, 9, parce que le même langage va être appliqué maintenant dans les versets qui vont venir un peu plus tard sur la personne du Saint-Esprit. Comme il va parler du Saint-Esprit, puis il va dire, « Vous le connaissez et vous l'avez vu! » Donc, il dit ici, « Vous connaissez le Père et vous l'avez vu parce que vous m'avez vu. » Puis il va dire un peu plus loin, « Vous connaissez le Saint-Esprit et vous l'avez vu parce que vous m'avez vu. » Ah ah! On va commencer à parler de la Trinité très fortement et très clairement dans les versets, dans les chapitres 14, 15, 16, 17. C'est les versets par excellence pour parler de la Trinité. Ici, on n'est pas en train de vouloir simuler les chrétiens d'être des meilleurs chrétiens. On est en train d'amener des juifs monothéistes à croire que ce Dieu monothéiste, ce Dieu unique est trinitaire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'il faut appliquer notre texte, et non pas essayer de trouver quelques petits trucs pour être des meilleurs chrétiens, puis avoir réponse à nos prières. Il dit, tu connais le Père, et tu as vu le Père. Tu as vu et connu parce que je suis là depuis 3 ans, je vous ai parlé, je vous ai instruit. Il parle pas ici juste à cause que tu m'as vu physiquement, tu as vu. Non, c'est pas le côté physique de Jésus qui me permet de voir le Père. C'est les paroles qui étaient dites. C'est les actions qu'il a fait, qu'il va faire, qu'il a annoncé qu'il va faire. C'est plus de penser vie. C'est plus de penser lumière. C'est plus de penser grâce. C'est plus de penser vérité qu'il faut saisir ici. Il nous a amené à voir le Père dans sa plénitude et dans sa trinité. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu as vu le Père, vous avez vu le Père d'une façon que vous ne l'aviez jamais vu encore. Et ce que je vais vous dire cette nuit va compléter l'image d'un Dieu trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui forment un seul Dieu. Le verset 10 dit ceci. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, il dit, les paroles que j'ai dites, les œuvres que je fais, c'est le Père qui le fait en moi. C'est moi qui les fais. Parce qu'il dit bien, les paroles que j'ai dites, les œuvres que j'ai faites, c'est Dieu qui les a faites. C'est Dieu qui les a dites, les paroles. Donc, il dit, on est tellement unis, on est tellement un, que je peux dire, c'est le Père qui fait ce que j'ai fait. L'unité parfaite. Oh, comprenons bien ce qu'il est en train de dire, ça va revenir. Et à la fin du chapitre 17 de cette nuit mémorable, Jésus va dire aussi, dans sa prière, « Je voudrais que les disciples deviennent un entre eux et un avec nous. » Cette unité qui va être produite entre les croyants et entre les croyants et le Dieu trinitaire. On va y revenir, mais qu'on est au chapitre 17. Le verset 11 dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Croyez. Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Voyez-vous, il les invite à croire. Parce qu'ils n'ont pas encore saisi, cru. Tu ne peux pas croire ce que tu n'as pas saisi, mais qu'il l'ait saisi, mais qu'il l'ait cru, mais qu'il est monté au Père et qu'il soit revenu et qu'il leur a envoyé le Saint-Esprit, ça va s'accomplir. Ils vont saisir finalement. C'est ce qu'il va dire dans les chapitres qui viennent. Le Saint-Esprit va venir, il va vous rappeler, il va vous aider à croire, il va vous annoncer d'autres choses en plus. Le Saint-Esprit, ça va être l'instrument pour vous emmener avec moi dans la présence de Dieu. Et là, le verset 12, 13 et 14, souvent pris hors contexte. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Le contexte le plus immédiat, c'est celui qui croit que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Celui qui croit que je viens d'en haut. Celui qui croit que je suis la lumière. Celui qui croit que je suis la vérité. Celui qui croit que je suis le chemin. Celui qui croit que je m'en vais à Dieu et que je reviens. Celui qui croit en moi. Ici, c'est pas celui qui croit que je vais mourir sur la croix pour prendre ses péchés, aller au ciel, mais qui meurt. C'est pas ça dont il parle ici. Il parle de celui qui croit qui je suis. Ou ce que je suis fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Oh mon ami, ici c'est il y a tout un charriage qui se fait dans les églises, je dirais. Oh, on va faire des plus grandes œuvres de Jésus, puis. Non. Puis là, il y en a qui disent ah oui, gars, les apôtres ont fait des plus grandes œuvres parce qu'ils ont conduit plus de monde au Seigneur. Mais c'est pas de ça que le texte parle. Jésus veut encourager des gens épeurés, troublés, à croire en lui, malgré la mort demain, malgré le martyre, malgré les souffrances, malgré la mort, malgré l'ensevelissement. Il leur dit, si vous croyez, si vous persévérez avec moi, si vous croyez avec moi à travers la croix, à travers le tombeau, à travers tout cela, si vous croyez, vous allez faire les œuvres que je fais. Et vous allez en faire de plus grandes. Il y a juste une raison ici, c'est parce que je m'en vais au Père. Et qu'est-ce qui va arriver, mais qui va d'être rendu au Père? Il va nous dire dans le chapitre 14, 15, 16, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et à cause que je m'en vais et que je vais vous envoyer le Saint-Esprit, vous allez faire des œuvres plus grandes. Pas plus grandes que lui, mais plus grandes que si je m'en vais pas au Père. Parce qu'il est en train d'expliquer pourquoi il s'en va. Il dit, je m'en vais, mais ne soyez pas troublés. Ça va rejoindre ce qu'il va dire un peu plus loin. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ne soyez pas troublés. Vous devriez vous réjouir plutôt. Parce que si je m'en vais pas au Père, vous ferez pas les œuvres que je fais et vous en ferez pas des plus grandes que maintenant. La seule condition ici, la seule chose qu'il me demande, qu'il vous demande, que demandez à ses disciples, croyez en moi. Croyez ce que je vous ai dit. Croyez que je suis en Dieu et Dieu est en moi. Croyez que les paroles que je vous ai dites et que les œuvres que j'ai faites, c'est Dieu qui les a faites en moi. Il me demande seulement une chose, crois en moi et tu vas faire les œuvres. C'est pas crois en moi et prie beaucoup et tu vas faire les œuvres. C'est pas crois en moi et prie beaucoup et jeûne et fais tout ce que tu pourras et tu vas en faire des plus grandes. C'est pas ça qu'il dit. Crois en moi, tu vas faire les œuvres. Et tu vas en faire des plus grandes. Pourquoi? Comme moi, quand j'étais sur la terre, j'étais un avec le Père était en moi et j'étais en lui, et les œuvres que j'ai faites, c'est Dieu qui les a faites. Maintenant, je vais venir habiter en vous, vous allez devenir un avec moi et le Père, je vais habiter en vous, le Père va habiter en vous, l'Esprit Saint va habiter en vous, et vous allez faire les œuvres que j'ai faites. Et vous allez prier en mon nom, il va dire plus loin, vous n'avez jamais rien demandé encore, mais vous allez le faire. Vous allez le faire. Parce que je vais habiter en vous, vous allez demander en mon nom. Il ne dit pas ici, vous allez ajouter mon nom à la fin de vos prières et ça va marcher. Il n'est pas en train de nous donner ici une espèce de recette magique pour avoir la réponse à nos prières. Mais vous, à partir de ce moment-là, vous allez faire les œuvres que je fais, vous allez demander en mon nom et parce que le Père va être glorifié dans le Fils. Donc, quand je vais être parti, que vous avoir préparé une place et que je vais vous avoir le Saint-Esprit, vous allez demander en mon nom et je vais le faire pour que le Père soit glorifié. Comme moi j'ai glorifié le Père pendant que j'étais ici, vous allez glorifier le Père aussi et le Fils. Par les œuvres que vous allez faire. Faisons attention ici. Parce que quand on voit le mot œuvre, on pense au miracle que Jésus a fait surtout. Mais c'est pas ça dont il parle. Deux choses dans Jean qu'il faut comprendre très clairement, je dirais. Ce qu'il a fait Il leur révélait le Père et le Fils. Il a jeté de la lumière sur la personne de Dieu et sur l'œuvre de Dieu pour glorifier le Père. Ce que nous allons accomplir pendant notre vie chrétienne, tout ce que nous allons faire, ça n'a aucune valeur si ça ne glorifie pas Dieu. Donc, les disciples vont partir dans les Actes des Apôtres, vont prêcher un Jésus divin, descendu du ciel, remonté au ciel après la résurrection. Ils vont exalter Dieu qui avait envoyé le Fils. Ce qu'ils vont glorifier le Père dans les Actes des Apôtres, ce n'est pas les miracles qu'ils vont faire, ce n'est pas une église super spirituelle qui va glorifier le Père. C'est la proclamation de l'Évangile qui va glorifier le Père. Ce qui va glorifier le Père, ce qui a envoyé le Fils, qui s'est incarné. Ce Fils qui était égal à Dieu, qui était Dieu. Ne prenons pas ces versets-là pour en faire un outil pour d'être des meilleurs croyants, mais voyons-les comme une promesse. Je m'en vais, mais ne soyez pas tristes. Je m'en vais, mais je reviens. Et je vous prends avec moi. Par le Saint-Esprit, vous allez avoir accès à Dieu et à moi. Par le Saint-Esprit qui habite en vous, vous allez faire les mêmes œuvres que moi et vous allez glorifier le Père comme moi. Et comme c'est le Père qui accomplissait les œuvres qui étaient en moi, le Saint-Esprit va vous régénérer, le Saint-Esprit va vous donner la force et la puissance d'accomplir ce que je veux que vous accomplissiez pour moi. Parce que je crois personnellement que l'Église accomplit les œuvres que Dieu a préparées pour elle. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va prendre l'Église, c'est ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres. On parle bien plus souvent du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres qu'on parle des apôtres. Le Saint-Esprit va être mentionné 64 fois, si ma mémoire est bonne, dans les Actes des Apôtres. La mise en place de l'Église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que Luc veut que Théophile comprenne. L'Église, ce n'est pas l'œuvre des hommes, l'Église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en utilisant des hommes. Et c'est ce que Jésus parle ici. Notre bon Père du ciel, quelle belle vérité et quelle belle promesse! Ne soyez pas troublés. Je m'en vais, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Je vais venir habiter en vous. Et vous allez accomplir les œuvres que j'ai accomplies. Vous allez prier en mon nom. Et à cause que le Saint-Esprit va être en vous, parce que vous avez cru en moi, vous allez être capable de glorifier le Père et le Fils. Amen.